Chapitre 10e, sous la terreur. Un jour du printemps de 1919, Malcolm Hay, sa valise usagée à la main, sortait du Comiskey Vauxhall. Le cigare aux lèvres, il redressait sa haute taille et une lueur de gaieté brillait dans ses yeux graves. Les épaules larges, le corps souple, le teint bruni, tout trahissait en lui le soldat, américain ou anglais. C'était du moins l'impression du seul être humain actuellement dans cette rue déserte. Un solide gaillard à barbe courte sanglait dans la pelisse verte des conducteurs de droshky de Moscou. Malcolm, regardant autour de lui, s'aperçut qu'il avait attiré l'attention de l'homme. « Petit frère, » dit-il avec le meilleur accent russe, « voudriez-vous avoir la complaisance de me conduire à l'hôtel du bazar slave ?» Le cocher fit attendre sa réponse. Elle vint enfin, dans le plus pur idiome britannique. « Anglais, n'est-ce pas ? » dit-il. « J'en étais sûr. » Malcolm resta un peu interdit. « Je crois même que je vous ai déjà vu. Attendez. » Et donnant une tape sur sa barbe, il acheva. « J'y suis. Hey. Je vous ai rencontré il y a quelques années dans le monde à Kiev. Vous êtes bien administrateur dans une affaire de pétrole ou quelque chose comme ça. » « Parfaitement. Mais j'avoue que je ne me souviens pas. » « Pourtant nous avons dîné ensemble, » reprit le russe en riant. « J'étais assis auprès de la grande-duchesse Irène. Un peu plus tard, quand la guerre a éclaté, je vous ai invité au quartier général. « Grand Dieu! Vous êtes le général Malenkov, jadis commandant la 84e division caucasienne, acheva ce dernier sèchement, et aujourd'hui commandant un petit cheval. Si vous voulez user de mon excellent véhicule, je vous conduirai à un restaurant où vous pourrez boire et manger, presque très bien pour 50 roubles. » Malcolm monta dans la voiture, croyant rêver. Malenkov. Il revoyait le bel officier caracolant dans les rues de Kiev à la tête de son brillant état-major. Malcolm se souvenait d'être venu de ses puits de pétrole pour dîner avec lui et aussi pour avoir des nouvelles d'une personne dont il n'entendait plus parler depuis longtemps. Le droshky roulait furieusement vers l'extrémité est de la ville et le jeune homme remarqua que son conducteur évitait les grandes artères qui mènent au Kremlin, centre de Moscou. Ils s'arrêtèrent dans une ruelle devant un restaurant de modeste apparence. Malenkov sauta de son siège et, abandonnant son équipage, il fit entrer Malcolm, traversa avec lui la salle basse, bornée de clients, et parvint à une petite table libre. « Asseyez-vous, Mr. Hay. Je ne vous promets pas un festin de sybarite, mais un honnête déjeuner. Bonjour, Nicolas Vassilitsky. » Ceci s'adressait à un homme grisonnant, en blouse de travail, assis non loin d'eux. Il se leva vivement et s'inclina. « Si vous voulez faire remettre vos vêtements en état pendant votre séjour à Moscou, continuait gaiement le général, je vous recommande mon ami. Le colonel Nicolas Vassilitsky n'est pas seulement un excellent directeur du service des renseignements, mais il n'a pas son pareil pour repasser un pantalon. Maintenant, laissez-moi vous interroger. Vous êtes en route pour Petrograd ? Oui, je retourne dans ma patrie. Pendant la guerre, je contrôlais tous les approvisionnements des alliés en Petite Russie. La révolution arrêtait tout cela. « Heureux homme qui avait une patrie, » dit le général tristement. Il haussa les épaules. « Bien, vous voulez rentrer chez vous, mais d'abord vous en aurez pour des mois avant de quitter la Russie, si jamais vous la quittez. J'ai essayé moi aussi de m'en aller, il y a quelques semaines, parce que je ne peux pas respirer dans cette atmosphère révolutionnaire, et dire qu'autrefois je croyais avoir des idées libérales. Mais pourquoi êtes-vous cocher de fiacre ? Eh bien, mon cher, parce que je suis un être humain, que je dois manger et avoir une chambre pour dormir, parce que j'ai besoin de cigarettes, de chemises propres et au moins 3 fois par semaine. En un mot, je dois vivre. « Vous n'avez donc pas un peu d'argent ?» demanda Malcolm avec embarras. « Excusez-moi d'être indiscret, mais je suis si peu au courant. »« Naturellement, » dit Malenkov avec un bon rire, et se tournant vers la servante. « Une bouteille de kvass, ma pêche de Turkestan et un verre pour le camarade. » Lorsque la servante fut sortie, il regarda Malcolm bien en face. « Mr. Hay, je n'ai pas honte de vous laisser payer votre dîner. En ce temps de démocratie, je ne puis vous l'offrir sans avoir l'air de vous faire l'aumône. Non, je n'ai pas d'argent. Mon compte à la banque de l'État a été confisqué pour la cause sacrée du peuple, ma propriété à une centaine de verstes de Moscou également confisquée pour la cause sacrée de la Révolution, et ma maison de Petrograd est occupée par le service sacré du Soviet. » Mon fiacre m'a été donné par un de mes anciens grooms, un certain Isaac Moservitch, aujourd'hui juge à la haute cour où il siège avec assez de succès, bien qu'il ne sache même pas signer son nom. Mr. Hay, continua Malenkov, de plus en plus sérieux, vous avez eu tort de venir ici. Retournez à Kiev et traversez le Caucase. Au-delà de Tiflis, vous pouvez gagner les postes américains. Ne cherchez pas à quitter la Russie, c'est impossible. Les bolcheviks sont devenus fous, fous de sang, fous de meurtre. Tout étranger est suspect. On arrête les Américains et les Anglais. Je peux vous obtenir un passeport pour Odessa et de là, vous atteindrez Batoum ou Bakou. Cela va donc bien mal. Je vous dis que Moscou est une ville d'aliénés. Vous entendez ce bruit ? Quelque chose comme un claquement de fouet dominait maintenant le bourdonnement des conversations. « C'est la fusillade, » dit Malenkov, très calme. « La contre-révolution progresse. Les anarchistes avancés sont en révolte contre les bolcheviks. Chaque matin, c'est ainsi. Entre cochers, nous nous réunissons après le petit-déjeuner pour décider quelles seront les rues à éviter. Nous sommes remarquablement bien informés par le prince d'Algorisky, ancien capitaine de la garde Préobrajansky. Il vend des journaux à bord du quartier général du Soviet et les camarades lui donnent des pourboires. Un de ces jours, ils le tueront, mais pour le moment, notre ami est en faveur et se fait jusqu'à 100 roubles par jour. Malcolm hasarda la question qu'il s'était posée si souvent pendant les années précédentes. « Pouvez-vous me dire ce qu'est devenu le grand-duc Yaroslav ?» Le général secoua la tête. « Quand on m'en a parlé il y a assez longtemps, son Altesse était à Petrograd. Et sa fille ?» Son compagnon lui jeta un regard étrange. « Dans quelles circonstances l'avez-vous vue pour la dernière fois ?» Mr. Hay hésita. Il pouvait difficilement raconter la scène tragique qui s'était déroulée dans sa chambre à coucher. Depuis le moment où Irène s'était enfuie par la porte entrouverte, il ne l'avait plus jamais revue. Le lendemain matin, lorsqu'il s'était réveillé, affaibli, presque malade, on lui avait annoncé que le grand-duc et sa fille avaient déjà pris l'express pour la capitale. De l'odieux Bulba, aveugle, pas un mot. Et quand il s'était enquis du juif, les gens avaient haussé les épaules en disant qu'il avait disparu. Sa maison était fermée. Il pouvait être ou dans une cachette ou en prison. Plus tard, Malcolm avait appris que le vieux bonhomme s'était installé à Moscou sans être inquiété par les autorités. Bulba, lui, avait gardé son secret. « Vous avez l'air embarrassé, » reprit Malenkov en souriant. « Je vais vous dire pourquoi je vous ai posé cette question. Vous savez que son Altesse, la Grande Duchesse, a été bannie de la cour pour désobéissance à la volonté impériale. Je ne sais absolument rien. » Elle n'a pas voulu se marier, voilà tout. J'ai oublié le nom de celui qu'on voulait lui faire épouser. Alors son Altesse n'est pas mariée ? Sans répondre, le général appela la servante du geste. Qu'est-ce que nous vous devons, ma chère petite ? Elle présenta l'addition qu'ils soldèrent. Où allons-nous maintenant ? Comment pourrais-je le savoir ? Que doit faire un étranger qui veut séjourner dans la ville ? D'abord trouver un logis, dit Malenkov, avec un sourire significatif. Vous m'avez demandé de vous conduire au bazar slave, homme simple et plein d'illusions. C'est le quartier général du Soviet. Vous vous en rapprocherez du moins en allant vous faire inscrire dans les bureaux voisins. Il faudra vous rendre ensuite chez le commissaire pour remplir la même formalité, et si vous êtes vu d'un bon œil, chose assez improbable, vous recevrez un ticket afin de pouvoir subvenir aux nécessités de votre existence. Les tickets se procurent plus facilement que la nourriture. La première démarche dans l'annexe du bazar slave ne donna aux deux compagnons pas plus de résultats que d'ennuis. Le quartier général du Soviet s'occupait seulement des questions administratives et de l'organisation de ses comités. Une foule de soldats, portant le brassard rouge, encombrait les couloirs et le seuil des portes. Malenkov interpella un factionnaire mal peigné, sans col et en bras de chemise, qui était assis devant une table couverte de paperasse. Pour toute réponse, celui-ci se renversa en arrière sur sa chaise et se mit à injurier les importuns avec volubilité. Nous aurions pu nous dispenser de venir ici, dit le général, mais il est indispensable que vous voyiez le commissaire, pour ne pas risquer d'être une de ces nuits arraché de votre lit et fusillé avant d'avoir pu vous reconnaître. À propos, nos prisons se sont enrichies d'un Américain assez intéressant. D'après ce qu'on m'a dit de lui, c'est ce que vous appelez, je crois, un gangster. Malcolm tressaillit. « Un gangster, ici. Oui, il a proprement cambriolé le trésorier général du Soviet. J'aurais aimé faire la connaissance de ce bandit, mais il doit être mort à l'heure qu'il est. La justice est sommaire à Moscou. Allons, remontez dans ma petite voiture et je vais vous conduire chez le commissaire. » Le personnage en question occupait une maison aux proportions si vastes que Mr. Hale la crut anciennement destinée au bureau de la ville. « C'était l'hôtel du grand-duc Yaroslav, » dit Malenkov. Ce nom donna un petit choc à Malcolm qui n'ouvrait plus la bouche. À l'entrée, la sentinelle, un homme sale et mal rasé, était en train de fumer une cigarette. Un groupe de soldats, évidemment débris de l'ancienne garde, remplissait le vestibule. Le commissaire était sorti. Quand rentrera-t-il ? Impossible de le savoir. Il avait emmené la petite mère, peut-être pour aller à Petrograd, peut-être seulement pour faire une promenade dans la campagne. La chose certaine, c'est que personne ne pouvait remplacer le fonctionnaire absent. Malcolm en conclut que ce gentleman était singulièrement jaloux de son autorité. Ce fut seulement à 9 heures du soir, après 5 tentatives infructueuses, que la question de Mr. Hay à la sentinelle reçut une réponse affirmative. « Cette fois, mon ami, vous allez le voir, » dit Malenkov, « et l'avenir dépend de la protection plus ou moins efficace de votre saint patron. » Malcolm l'arrêta sur le seuil. « Général, chut, pas ce mot surtout. Appelez-moi citoyen ou camarade, de préférence camarade. Je crains que vous ne soyez en danger à cause de moi. J'agis en étourdi et en égoïste. Cela fera-t-il une différence que cet homme vous voie ou non ? Vous ne vous trompez pas. Il est toujours dangereux d'attirer l'attention de ce comité chargé de réprimer la contre-révolution. Mais du moment que j'ai entrepris de vous piloter, je peux aussi bien entrer avec vous que rester dehors, sur mon siège. On vous demandera certainement qui vous a amené ici et cela pourrait paraître louche si je ne me montre pas. De plus, je témoignerai en votre faveur en disant que vous êtes un bon camarade, ami du soviet. » Il parlait sur un ton mi-sérieux, mi-plaisant, mais avec un fatalisme absolu. La porte du bureau du commissaire était ouverte, mais presque entièrement barrée par une table devant laquelle se tenait assis un individu sans armes. De chaque côté, le passage n'avait guère plus de 8 pouces. L'homme demanda aux visiteurs ce qu'ils désiraient, écrivit leur nom qu'il tendit à un soldat et leur fit signe de se glisser dans l'étroit espace pour pénétrer dans la pièce.